suis pas prêt. Je n'ai pas encore tout dit. Je suis l'innocence. Je suis l'innocence, je le jure. Et toi le curé, dis-leur que lui là-haut il veut pas. Dis-leur qu'il les regarde. J'ai peur. Je ne suis pas un héros. Je ne suis rien du tout. N'est-ce pas ma vie. Parler de la chanson Sauvez-moi quand il dit à la fin je ne veux pas mourir, pas maintenant, je ne suis pas prêt. C'est vous qui l'avez écrit ou c'est une improvisation? Ah non, c'était écrit. Hein. Et l'histoire, c'est que quand on m'a donné cette chanson à faire, à écrire, c'était. Il fallait la chanson pour le lendemain matin. Hein. Tout à fait. Mais il fallait la chanson pour le lendemain matin. En vrai, véritablement, on dit ouais, c'est pour demain matin. Non, non. Là, c'était, j'avais rendez-vous avec lui le lendemain matin, ouais. Et il fallait que la chanson soit faite. Donc, on est le soir où on m'a remis le, ça s'appelait un disque souple, ouais. À l'époque, un disque souple qui était déjà passablement usé. Oui. Voilà, j'avais du mal à entendre la mélodie et donc j'ai eu la chance de pouvoir l'enregistrer. J'avais un lecteur de cassette, c'est un des premiers à avoir un enregistreur à cassette. Alors j'ai enregistré ça pour pouvoir l'écouter beaucoup mieux et plus longtemps. Mmh. On m'avait dit tous les auteurs de Paris s'y sont cassés les dents. Tout à fait. Alors je dis si on me l'a donné à moi, c'est qu'il n'y avait plus personne. Au désespoir. Au désespoir. Donc j'ai travaillé toute la nuit et à mon avis j'ai fait pendant un certain temps la même faute qu'ont dû faire tous les autres, c'est-à-dire que bon, je parle assez bien anglais et j'ai essayé de traduire le texte et le texte était très baba cool quoi. Oui, c'était c'était baba cool quoi, c'était bon et je me suis dit les mecs ils ont dû se planter parce que ils n'avaient pas envie de faire ça quoi. Oui, ils ont voulu faire, je vais essayer. Ils ont voulu faire, oui, une solution, comme... je vais aller complètement à l'envers. Tout à fait. Ça va passer ou ça va casser et je vais en faire un espèce de lâche. Ouais. Un espèce de lâche condamné à mort qui veut pas mourir qui a fait pique pendre mais qui serait prêt même à vendre sa mère quoi. Mmh. Et j'ai dit bon, si ça passe ou ça casse quoi. Bien sûr. Quand je lui ai tendu le texte, il a regardé le texte et puis il m'a dit il n'y a pas le nombre de pieds. Oh la vache. Alors j'ai dit écoutez, peut-être que le texte ne vous plaît pas, mais ce que je peux vous assurer c'est que il y a le nombre de pieds. Il a relu encore en fumant cigarette sur cigarette, mais je voyais bien que je l'emmerdais. Hein. Il n'avait pas envie de parler de chansons ce matin-là, quoi. Et puis je lui ai dit la chose la plus incroyable, je lui ai dit bah écoutez si vous voulez je peux vous la chanter. Et là c'était vraiment gonflé de ma part quoi. Il faut le faire, il faut le faire. Ben oui, surtout à 10h du matin, c'était Johnny Hallyday hein, c'est oui, ben oui. Voilà, c'était quand même Johnny Hallyday là je savais qu'en fait il fallait que j'envoie le bâton et qu'il fallait que surtout que je prenne conscience que l'instant que je vivais était extrêmement important pour moi. Et j'ai chanté peut-être comme j'ai jamais chanté de ma vie. Hein. Ouais. Et à la fin, quand je disais « Sauvez-moi », je parlais de moi. C'était moi qu'il fallait sauver. Et il a été quand même assez... j'ai mis toute la dramaturgie que je pouvais. Et... il a quand même été assez impressionné, ouais. Parce qu'il m'a dit « t'as une seconde ». Là, il m'a tutoyé, il est reparti. Et puis il est revenu, vous connaissez l'histoire. Ouais. Il est revenu avec Jerry Donahue. Il a fallu que je rechante. J'ai rechanté 4 fois, mais à la 5e fois, il a chanté avec moi. Et là, j'ai fait du léger, quoi. Parce que inutile de vous dire que la chanson, il se l'était appropriée.

Des trouvailles comme ça, on en redemande encore et encore. Vous écoutez Érigé et l'émission Johnny de AZ, ce soir, la rétrospective des sorties de l'année 2025. Et pour le Disqueur D, le 12 avril 2025, Warner Music faisait du réchauffé avec l'édition du titre Autoportrait en 45 tours splatter, ça veut dire éclaboussé, hein, avec la version live du 3 décembre 2011 et en face B, la version studio. Ce petit 45 tours était en tirage limité à 1000 exemplaires. On retrouve donc Autoportrait, version 1 de ce concert du 3 décembre 2011. Je suis lâche, je suis fort, je dis tout ce que tu veux. Un héros, un traiteur, un prince, un prétentieux. La sortie du mois de mai, c'est le concert de Toulouse qui est au cœur du dispositif commercial avec l'édition en disque du spectacle de la courte tournée 2000. Le chanteur passera la plus partie de son été à l'Olympia. Et la période est faste pour Hallyday. Hein. Il fête alors ses 40 ans de carrière avec l'album 100% qui atteindra des sommets avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Et son nouveau show, il le veut encore plus grandiose que les précédents. Après des préparatifs à Los Angeles, les deux premiers concerts français sont organisés au Zénith de Toulouse le 2 et le 3 juin, avec le concours d'un producteur local, Gérald Grégo. Et ces deux concerts, jusqu'à présent inédits, ont fait l'objet d'une large publication discographique. Les fans ont eu le choix, ou non, car en principe, ils achètent l'ensemble. Entre le 45 tours, Les Larmes de Gloire, écrit par Vincent Ravalec et composé par David Hallyday, et uniquement chanté à Toulouse, était sorti le 9 mai. Le double CD avec un livret de 20 pages, un coffret de 4 vinyles et aussi un pitcher vinyle en tirage limité, sortait tout ça le 23 mai 2025. On retrouve justement ce titre, Les Larmes de Gloire à Toulouse, chanté uniquement le 2 juin 2000.

c'est le plus gros score de l'année, ça s'arrêtera là, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Et encore, ça sera un record, ce qui a été un record d'ailleurs. Oui. Après. Et donc, on ne repart pas avec une date, ça sert à rien, on ne va pas aller plus loin parce que c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. On n'aura pas les moyens techniques, on va frustrer le public. Et les gens ne peuvent pas le voir assez. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on met des écrans pour remplacer? On va avoir des problèmes techniques énormes, de décalage de son, etc. Entre... Aussi, c'est énorme, tout à fait. Ouais. On n'est pas, dans le match. Là. Et on se le dit entre nous, d'ailleurs. Je ne sais pas qui dit, c'est pas possible. Jacques, lui, il s'en fout, c'est, tout est possible. qu'il allume une DCA à la Concorde ou qu'il l'allume sur l'Arc de Triomphe, il allumera toujours. Exactement. Tu vois, il a toujours à l'éclairer. Mais Bernard, en tant que l'image, il dit, mais, oui, c'est pas possible. Et moi, quand même, qui était un peu plus... qui a acquis quand même certaines notions quand même techniques au fil mm-hmm. des années, je me dis, non, on est dans la merde très, très, très grave. Là, donc, voilà. On écoute Johnny, Je veux te graver dans ma vie, extrait du filage du 8 juin, la répétition du 8 juin 2000 à la Tour Eiffel. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter. Ah, une autoroute, je l'ai subie, il a fallu que je te trouve. Ah, soudainement, je suis tombé et comme ça, je suis resté. Chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Tu ne pars pas, tu restes ici, me seulement très très fort. Tu es né pour être à moi, et j'espère que tu y crois. J'aime courir, mais quand tu viens, je veux rester. Ah, moi, je suis sincère, je veux mourir. Si tu ne veux pas croire à tout ça, tu es né pour être à moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je ne voulais pas m'arrêter là, non. Une autoroute, je l'ai suivie. Il a fallu que je te trouve là. Seulement, je suis tombé. Et comme ça, je suis resté. À chaque instant, à chaque instant, à chaque instant de ma pauvre vie. De ma pauvre vie. Retrouvons à nouveau Roger Abriol dans l'émission Johnny de A à Z. Et maintenant, il faut leur dire pourquoi c'est une fausse bonne idée. Donc on part un peu la queue entre les jambes, si je peux m'exprimer ainsi. Et on s'est dit, bon ben, écoute, c'est une fausse bonne idée. Il va falloir quand même qu'on lui dise que c'est pas possible. Et le lendemain, je te dis, on rentre au bureau et je m'installe en face à mon bureau. Puis j'attends que Camus arrive. Et au moment où il arrive, j'ai dit, bon ben, écoute, on était en repérage hier tous les trois et... On n'a pas qu'une bonne nouvelle, ni avant, oui, surtout la mauvaise, c'est que c'est pas possible de faire un chant de Marseille, on se fait engueuler. Pourquoi vous me dites ça maintenant? Il fallait s'en rendre compte, voilà, on est jour pour jour, hier, on a fait un an avant l'événement, mais on

Johnny Hallyday à la Tour Eiffel. Vous écoutez RIG, l'émission Johnny de A à Z, avec ce soir une rétrospective de toutes les sorties de l'année 2025. Mais je ne parlerai pas des nombreuses éditions par RDM ou Culture Factory, mais il est intéressant de parler d'un sujet un peu technique mais passionnant, qui est leur fonds de commerce, hein, le passage d'un enregistrement dans le domaine public. Parce que oui, même les chansons de Johnny Hallyday finissent un jour par appartenir à tout le monde, et légalement. Un peu d'histoire. En France, la règle a longtemps été simple. Hein. Un artiste restait protégé 50 ans après la sortie d'un disque. Mais en 1995, l'Europe a décidé d'allonger la durée à 70 ans après la mort de l'auteur pour harmoniser les droits d'auteur dans tous les pays membres. Et pour la musique enregistrée, c'est ce qu'on appelle les droits voisins, ceux des chanteurs, musiciens et producteurs. La durée est restée à 50 ans jusqu'à qu'une nouvelle directive européenne de 2011 entre en vigueur en 2013. Depuis cette date, les disques et enregistrements sonores sont protégés pendant 70 ans à partir de leur première publication. Prenons maintenant deux exemples précis dans la carrière de Johnny Hallyday. 1962, c'est l'époque de L'Idole des Jeunes et de Retiens la Nuit. Un enregistrement de 1962 a été protégé pendant 50 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2012. Quand la loi a changé en 2013, il était déjà tombé dans le domaine public. Résultat, tout le monde peut diffuser ou rééditer des sons originaux à condition de respecter le droit moral, c'est-à-dire mentionner Johnny et de ne pas dénaturer l'œuvre. Mais attention, si une maison de disques a fait une remasterisation ou une nouvelle édition plus tard, ces nouveaux fichiers, eux, repartent pour 70 ans de protection. Passons à l'autre exemple, 1963. Là, on change tout. Les morceaux publiés en 1963, comme « Dadou Run Run » ou les concerts de cette année-là, étaient encore protégés quand la loi a été prolongée à 70 ans. Ils ont donc bénéficié de la nouvelle durée. Ils tomberont dans le domaine public le 1er janvier 2034. Et les émissions de radio, me demanderez-vous, hein ? Eh bien, les enregistrements diffusés à la radio, comme certaines prestations de Johnny à la RTF ou à Europe 1 dans les années 60, sont protégées 50 ans après leur première diffusion. Une émission de 1963 est donc, elle aussi, dans le domaine public depuis 2014. Le droit moral, lui, ne s'éteint jamais. Même après 70 ans, il reste perpétuel en France. On doit toujours citer l'artiste, respecter son nom et ne pas altérer sa prestation. Autrement dit, on peut partager, mais pas trahir. Conclusion, le passage au domaine public, ce n'est pas la fin d'une œuvre, c'est au contraire le début d'une nouvelle vie, celle où chacun peut redécouvrir, restaurer et partager librement la musique. Et avec Johnny, c'est l'assurance que ses chansons continueront à vivre longtemps, bien au-delà des lois et des délais. Allez, tiens, je vais vous faire un petit truc, voilà. Donc, parmi les rééditions de RDM Édition, il est sorti le 14 novembre 2024, le live à Lausanne, en 1962. Allez, je vous passe un extrait, Yaya Twist. Oh oui, je l'aime. Je l'ai connu là là, en twistant le ya-ya. Je lui ai dit mon petit chat, viens danser avec moi. Si mon cœur gémit, c'est qu'elle m'a quitté depuis. Depuis ce jour, j'entends son frein. Dans mon cœur, je l'ai connu là là, en twistant le ya ya. Comprenez-vous pourquoi je reviens toujours là? J'attends son retour en espérant nuit et jour. Je ne peux plus l'oublier. Je les connais là là, en twistant le ya ya. retour, l'âme en peine et la cœur lourd. J'attends son retour, l'âme en peine et le cœur lourd. J'attends son retour, l'âme en peine et le cœur lourd. Ya ya. Le 21 novembre 2025, Warner Music repointait le bout de son nez avec la réédition de l'album De l'amour pour son 10e anniversaire avec un vinyle Propeller, ça veut dire hélice. Il a été tiré à 1000 exemplaires. Voici en extrait Valise ou cercueil. Continue toujours dans les sorties de l'année 2025 et là, ça vient juste de sortir. C'est le disque Rock'n'Roll Attitude composé avec Michel Berger en 1985 et qui est ressorti le 5 décembre en version remasterisée 8 ans jour pour jour après la disparition de Johnny Hallyday. Et il y a 8 ans, le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday nous quittait et le jeudi 4 décembre, à l'occasion de cet anniversaire et de celui de son album Rock'n'Roll Attitude qui a soufflé sa 40e bougie, une nouvelle chanson du chanteur avec Michel Berger, C'est l'amour que j'attendais, est apparu en 45 tours. Ce 45 tours est déjà en rupture et il intégra la réédition remasterisée du disque Rock'n'Roll Attitude qui paraissait le lendemain. C'est Universal Music, label historique de Johnny Hallyday, qui a retrouvé cette chanson inédite en fouillant dans le répertoire du rocker, aussi en étroite collaboration avec Raphaël Berger, le fils de Michel Berger et de France Gall. La maison de disques a également réédité les 10 titres de l'album et les tubes Aimer Vivre et Rock'n'Roll Attitude sortent également en bonus dans leur version brute. Et depuis le 5 décembre 2025, l'album Référence des chanteurs est publié en 2 éditions CD et 3 éditions double vinyle vendues en quantité limitée, bientôt

Montréal en 1985, lors des sessions d'enregistrement de cet album, l'ambiance au studio Tempo était très détendue. Retrouvons donc dans un autre document Johnny Hallyday et Michel Berger et les chœurs de l'album en préparation. Francine Raymond, Judy Richards, Daniel Ferland et Richard Groul en train de répéter le titre Rock'n'Roll Attitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Yoga, c'est sur la bande ici, non? C'est peut-être mieux de faire ici avec la traque. Avec la traque? Ça me donne bien. Il y a deux, trois fois qu'il n'y a pas de vécu, ça. Avec la traque. On le fait ici. Avec la traque. On peut travailler, monsieur. C'est rock and roll. Monsieur Sony. C'est ça. Est-ce qu'on peut travailler, monsieur Sony? Oui? Salut, Michel, bonjour, on dit ça. Pour dire la marque. C'est Sony. Avec Sony, tout est possible. Rock and roll attitude. Rock and roll attitude. Eux, ils travaillent. Soignez votre voix. Faites comme moi. Fumez, gitane. Moi, je crois qu'on pourrait faire ça et puis peut-être une petite voix aiguë en plus après. Ouais. Grave, quand ils chantent dans le grave tous les deux, ça prend là, ça prend une très très très grosse place par rapport au reste. Oui, c'est ça. Oui, là, c'est pas vrai. Ouais. Quand là, tous les deux, ils chantent en bas, qui c'est ça, la mélodie en bas, c'est trop. Alors, un qui fait en bas. Un en bas, ouais. Un en haut, et les filles au milieu. Donc, et on va faire l'octave de ce qu'elle faisait avant, qui est une tierce plus haut que lui. Ouais, mais qui... Ah, ouais. Et quand même, quoi... Teinte en bas de lui. Ouais. Alors je chante, hein? Oui, c'est ça. Ouais. On essaye ça. Et si c'est pas bien, ça veut dire que je me trompe. Il faut pas de voix de garçon dans l'aiguille. Ok. Et on fait comme... Ok. Hein? C'est très bien. D'accord. Que ce soit trop haut, hein, l'ensemble. Hein. Est-ce que tu fais ça tout le long ou juste sur le sustain? Il me semble que c'est beau juste sur le sustain. Ah oui, absolument. Mais il faut que ce soit, je sais même pas si c'est ma bouche fermée. Enfin, c'est vraiment très, il faut que ce soit très petit, hein, pas très détimbré, tu vois. Peut-être juste trois notes. Ouais. Presque sans voir la bouche. C'est encore de la dernière pluie que je veux être né. La mort lui fait des pieds de nez. L'amour, je suis pas décidé, je veux encore essayer. Mais toi, lutte pour écrire ton histoire. Lutte pour garder ta mémoire et pour garder en toi une marque immortelle. Ne reste pas chez toi avec tes certitudes. Rock and roll attitude. Si l'été est trop lourd, si l'hiver est trop rude. Lutte contre la vie que tu mènes. Lutte pour la musique que tu aimes et que tu gardes en toi. toi une maternelle attitude. Ainsi s'achève cette émission spéciale rétrospective de toutes les sorties de l'année 2025. C'est la T aussi, la dernière émission de l'année 2025. Je vous retrouve le 7 janvier pour fêter la nouvelle année et puis pour vous retrouver tous et toutes nombreux, nombreuses. Je vous souhaite à toutes et à tous une de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie encore de votre fidélité tout au long encore de cette année 2025. À l'année prochaine, bonne fête à tous, à bientôt, ciao ciao!